À force de punchliner, j'ai fumé le casque à cager. Mon flow est coupe, coupe, fou, est devenu lingé. À force de pondre des textes techniques, la note est salée. Le rap et moi nous sommes unis par les liens sacrés. Je vous offre les trajets, pour vous je reste très fidèle. Les fausses retournent souvent du coup, porte une minère. J'lâche des 16 en finesse, dès le matin, dès le petit-déj. Mais mon plus grand rêve à moi serait d'être mon petit chef. Mais tu sais ça avance pas, du coup je pars en courant. Pour éviter la réalité du compte courant. Difficile de nager quand t'es à contre-courant. Difficile de supporter les faux qui te mettent des coups de langue. J'aimerais toucher le bonheur une fois vite fait. Prendre tout mon temps quand j'ai mon pas, menu express. Mon entraîneur me répète, faut que la mayonnaise prenne. Persévérance, espérance, mais tout ça est vrai. Ah, base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre points du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coup. Ah, base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre points du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coup. On m'a trahi, mon cœur saigne. Il est brisé, laisse tomber les faux, y'a pas de place pour les regrets. Mais là je tire un grand trait, je me baille dans des grands prés. Récolter des grands prix, repartir sans jamais rentrer. Même l'amour est tenté, les femmes n'ont plus d'honnêteté. Vendre leur cul au premier venu dans l'Audi TT. Laisse tomber, je trace ma route, viens fermer des bouches. Ceux qui doutaient sur mon cas, aujourd'hui voudront me têter. Je gratte le papla pendant que tu grattes ton caillou. Je nique le strass, les paillettes, les bâtards, les tarlouses. Obligé de m'imposer dans ce monde. Trop de gens qui souffrent, certaines personnes ne se rendent pas compte. Quel coup de France est sous ici, on partage. Tristesse, joie, douleur et peine, se met cartable. Entre hommes chiens et femmes et chiennes, ça sent la castagne. Comme au mois d'août dans les rues toulousaines, pétage de câble. C'est pas le soleil qui va me rendre zen. Base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre points du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coupe. Base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre points du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coupe. J'ai la gorge serrée, mes dossiers sont sous-scellés. À force de les laisser traîner, la haine et l'amour se sont emmêlés. Faut faire le grand vide, mais ça fait mal comme un tour grand 8. Mais nécessaire, parfois on se trompe, mais ça fait grandir. Ce qui me fait bien rire, c'est les gens qui se disent vrais. Pour faire des coups en douce, tu peux être sûr qu'ils font ça discret. Mon écoute, coup, en 2010 ça me donne la migraine. C'était mieux la school, l'époque de Titi et de Gros Minet. On peigne dans le faux, ce qui t'intéresse c'est mon code guichet. J'ai plus confiance en rien, je la retrouverai sûrement qui sait. Y'a des claques qui se perdent, mais je dis ça parce que je suis énervé. Mais bon, y'a tellement de putes qu'on cache chez l'orgone Miché. En 2011, t'attends, j'suis neuf. Le DJ accro au scot s'impatient, dit attends, neuf. Ma gueule, t'inquiète, hein, j'arrive en force sur mon mic. Et comme une odeur base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre coins du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coup. Base de flow, coup, coup. En direct de Toulouse, si on te met pas de coup, coup. Au contraire, des coups de pouce. J'écoute, ça coule, cool. Aux quatre coins du globe, faut se mettre des coups de pouce. Parce que c'est dur, c'est coupe-gorge.